Bonjour tout le monde et bienvenue sur le podcast de Madame Berman. Aujourd'hui, nous allons étudier les couleurs. Today we're learning colors. Rouge, jaune, rose, beige, orange, marron. One more time. Rouge, jaune, rose, beige, orange, marron. Few more colors. How about bleu, noir, vert, brun, gris, violet, blanc. Watch out. All of those are going to sound different when they go feminine. Let's try that. Bleu, bleu, the same. Noir, noir, the same. Watch out, writes differently. Vert, verte, writes differently, sounds differently. Brun, brune. Gris, grise. Violet, violette. Blanc, blanche. You know all your colors. Let's do them one more time. Bleu, noir, vert, brun, gris, violet, blanc. Now, you can ask your partner what color he loves, what color he hates, and maybe what color he prefers. This is how you could do it. Quelle couleur adores-tu? Moi, j'adore le bleu. Quelle couleur détestes-tu? Moi, je déteste le jaune. Quelle couleur préfères-tu? Moi, je préfère le vert. C'est la couleur de l'espoir. Green, that's the color of hope. Now, are you ready to ask your partner? Quelle couleur adores-tu? Quelle couleur préfères-tu? Quelle couleur détestes-tu? You're all set to go. Until tomorrow, where we will be talking about clothing. À demain, bonne journée.